au fond près du radiateur sans suspension. Radioactif comme le nucléaire. On roule boxon. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom? Au fond près du radiateur. Family Beach, yo. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok mon man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond très sur radiateur.fr. C'est aux gens qui luttent de faire l'info. La grande gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis 19h à 20h30 sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux fins. Voilà, ben on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, A-N-F-A-L-S-H, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Bonjour, bonsoir, vous êtes bien en direct de Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Au fond près du radiateur avec notamment deux invités que je vous présenterai rapidement. Alors vous savez que nous sommes écoutés en France, à travers le monde paraît-il, et que nous sommes de plus en plus écoutés parce que paraît-il, il y a, c'est pas paraît-il, un mouvement social important. Notamment sur la bataille pour essayer d'arrêter ce plan assez catastrophique autour de la remise en question du code du travail. Et puis si vous n'aviez pas vu ou perçu qu'il y avait quand même pas mal de manifestations, il y a ces nuits debout qui ne s'arrêtent pas. Alors on pourra peut-être en revenir. Et effectivement, ça c'est l'un des questions centrales de notre émission, c'est qu'on va parler des questions sociales, des alternatives. Donc à 19h15, on m'a signalé que Raphaël appellera, n'est-ce pas, Robinson ? Et il y aura un reportage sur Le Havre. Alors j'ai oublié de dire que, évidemment, nous avons un Facebook, c'est au fond près du radiateur, un site que vous pouvez nous retrouver. Et aussi, on est rediffusé le vendredi matin de 19h à 8h30. Et voilà. Donc alors, on a... deux invités. Alors, un qui a... Tu as quel âge ? 10 ans et demi. Alors, faut parler... 6 ans et demi. 6 ans et demi. Voilà, c'est vraiment la jeune garde. Voilà. Et on parlera vite fait avec toi. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Et tu veux dire quelque chose ? Juste un mot. Bonjour, au revoir. Bonjour. Voilà, et bien en tout cas, bonjour à toi et merci d'être venu. Et bon appétit puisque le jeune homme est en train de manger. Et puis nous avons Laura, voilà. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors comment te présenter vite fait, salarié, syndicaliste? Voilà, salarié depuis à peu près 2 ans, adhéré à la CGT. D'accord. Dans mon entreprise et bien sûr la CGT parce que sans eux on n'aurait pu rien faire. Les autres syndicats de salariés ne se sortaient pas en grève, n'étaient absolument pas actifs à l'intérieur de la boîte. On était vraiment les seuls et grâce à la CGT on a pu faire une grève assez longue et obtenir des augmentations de salaire, du pouvoir d'achat pour tous les salariés. Et on en est fiers, même s'il y a toujours de la pression, moins qu'avant, mais il y a encore de la pression. On a quand même gagné une lutte envers une direction qui était répressive, qui nous demandait des quintessences infernales et qui voulait toujours tirer la corde pour enrichir plus les actionnaires, hein, comme ça se passe dans notre boîte, une très grosse boîte. Tout simplement. D'accord. Alors avec toi, on reviendra surtout sur maintenant, et c'est-à-dire Planète Mars 2016 Paris, avec la situation de toutes ces lois contre le syndicalisme et plus largement les salariés. Et qu'est-ce qui se passe autour de toi et puis plus largement ta vision, parce que je pense que c'est intéressant de voir aussi concrètement les salariés, qu'est-ce qu'ils pensent de cette loi et comment toi et d'autres considérez qu'il faut y répondre et quelle alternative on peut offrir. Et puis, Robinson, tu peux te présenter quelques instants puisque c'est aujourd'hui tu seras le fameux technicien. Oui, oui, le fameux technicien. En ce moment, en recherche d'emploi, entre guillemets. Parce que pour le moment, oui, on se bat, la nuit debout, en manifestation, en manif, j'appelle pas ça manif sauvage, mais manif décourageux, etc., etc. Voilà, on va parler de ça ce soir un peu, hein, Mouloud et Laura. La manif debout, on va avoir un reportage également qu'un autre technicien, Raphaël, est chroniqueur, nous a envoyé. Il va le présenter donc autour de 19h15-20h concernant la situation au Havre en rapport avec la loi El Khomri et la situation à Paris et puis l'AG également à Paris 8. C'est bien ça, Laura? C'est ça, exactement. Donc il y a plusieurs AG, hein. Il y a Paris 8, il y a Paris 1 et les facs sont de plus en plus en train de se mobiliser. Donc c'est vraiment partout. Et donc pour ce faire, on va d'abord faire une petite pause musicale. On va s'écouter un des pionniers du jazz, c'est Ernest Rangling, Sata Masagana. Thank you. Radiateur, toujours FPP 106.3 FM. On a Raphaël qui est avec nous en ligne. Il va nous parler de son AG vendredi soir et puis le mouvement au Havre avec Anaïs et avec Laura et Mouloud ce soir. On vous écoute. Ben bonsoir Raphaël. Ouais, salut. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu présentes ce soir par rapport à l'interview que tu as fait ? Alors, c'est l'enregistrement d'un genre de meeting qui avait lieu à l'Université de Saint-Denis vendredi dernier, c'était à Paris 8, là. Et du coup, c'est plusieurs personnes qui appartiennent à différents secteurs en lutte qui parlent un peu de ce qui se passe chez eux et de comment construire... le mouvement, en fait, contre la loi travail, là, donc c'est la loi El Khomri. Donc il y a un mouvement depuis un mois, notamment de la jeunesse, des lycées et des facs, mais aussi plusieurs journées de grève massives avec des travailleurs du public et du privé. Et du coup, donc en premier, il y a une dame qui du Havre qui parle, une meuf de la CGT du Havre qui parle, et c'était intéressant, en fait, parce que elle raconte que quand ils font la grève là-bas, ils font pas les choses à moitié, tu vois, ils font des barricades partout dans la ville et toute la ville elle est bloquée. Et aussi qu'ils parlent de la solidarité entre eux et les étudiants, dans le sens où il y a une grosse répression policière contre les lycéens et les étudiants, notamment quartiers populaires et tout. Et du coup, elle disait qu'ils mettent la pression en disant si vous touchez un seul cheveu des lycéens, nous on arrête le travail sur le port du Havre notamment. Donc voilà, c'était la première intervention. Après, tu avais aussi des cheminots, des travailleurs sociaux du 93 qui étaient mobilisés, puis tu as des étudiants de Paris 1. Donc voilà, ça fait un peu un résumé de ce qui se passe en ce moment, les dernières semaines, tu vois, contre la loi travail. Là. Ben écoute, je te remercie. En tout cas, ça donne une idée que aussi dans les facs, il se passe des choses et que c'est important aussi que les salariés, les syndicalistes puissent... rentrer dans des endroits où, en général, c'est plutôt des grands professeurs avec plein de titres, et que là, on est vraiment dans le concret, le cœur du sujet qui est le travail. Ce sont des salariés, des syndicalistes, des chômeurs, et qu'on s'ouvre à cela dans ces facs. Je trouve ça relativement intéressant. Et je crois qu'on va peut-être passer tout simplement le reportage. Comme ça, on reviendra sur... les propos, etc., avec Laura, voilà. Okay, je te remercie. Ouais. Bah, bonne émission, hein, bonne écoute. Merci beaucoup. L'Union locale CGT du Havre, qui est venue de loin jusqu'à nous. Merci. Bonsoir. C'est un honneur pour le Havre d'être présent ici ce soir pour témoigner. Donc c'est une tradition à la CGT, je vous adresse le salut fraternel des 9000 syndiqués de la ville du Havre, à vous pour vous ce soir. Donc on est venu pour, on a été invité en tout cas pour témoigner, et je voudrais revenir sur deux choses. On a chez nous au Havre la stratégie, des stratégies un peu particulières, et on a, c'est vrai, la culture de la lutte depuis bien longtemps. C'est vrai qu'on a c'est un bastion de lutte sociale depuis très longtemps. Et c'est vrai que chez nous, une grève, c'est avant tout toucher au cœur du porte-monnaie du patron. Et donc chez nous, la grève, c'est le blocage économique de la ville. Donc c'est ce qu'on pratique maintenant depuis quatre journées au Havre, depuis le 9 mars. Donc en fait, À chaque journée, on bloque la ville à partir de 5 heures du matin, on monte les barricades et on fait venir tout le matériel dont disposent notamment les dockers et les travailleurs portuaires. Je ne vous cache pas qu'un syndicalisme de masse, comme on peut avoir dans certaines corporations, dans certains bastions industriels, ça aide à faire la grève, à monter la grève générale. Donc ce qu'on fait depuis quelques jours, c'est on traque dans les entreprises et effectivement, on n'attend pas les mots d'ordre. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va tous les jours aux portes des boîtes, qu'elles soient petites ou grosses, qu'il y ait des syndicats à l'intérieur de l'entreprise ou pas. On va à la gare, on va dans les quartiers, on va avec les étudiants de l'université, on fait des AG communes, ça nous semble important. Chez nous, une journée de grève, ça commence à 5 heures du matin. Ensuite, on fait la petite manifestation traditionnelle. Ensuite, on va rendre visite à nos députés, parce qu'il ne faut pas oublier que le 3 mai ou le 4 mai, le jour de la présentation de cette loi, c'est les députés qui vont la voter, donc ça me semble quand même très important de faire pression sur les élus. Donc on va rendre visite à nos députés. À notre façon, hein, je ne vous cache pas que c'est un peu trivial chez nous quand on va rendre visite. Ça permet de faire travailler les entreprises du nettoyage. Et ensuite, on fait des assemblées générales. Les assemblées générales chez nous, sur des journées traditionnelles, c'est souvent des salariés qui se retrouvent après une journée de grève. Depuis quelques jours maintenant, c'est des travailleurs, c'est certes des organisations syndicales, mais surtout des citoyens qui ne sont encartés nulle part, mais qui ne veulent pas de cette régression sociale. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il se passe quelque chose en ce moment dans notre pays, et je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on loupe ce virage. Donc oui, chez nous, cette force, c'est de pouvoir bloquer l'économie. Parce que c'est sûr que chez nous, quand on bloque le port du Havre, c'est des millions qui s'envolent en fumée sur une journée. Donc oui, il va falloir bloquer l'économie. Oui, il va falloir bloquer les transports. Oui, il va falloir que vous continuiez les blocages des lycées et des facultés. Je pense que naturellement, je pense que de toute façon, les convergences, elles vont se faire. Dans cette attente, je pense qu'il faut que les salariés participent à des journées comme ce soir. Je pense qu'il faut aussi que les étudiants aillent dans les assemblées générales de salariés. C'est très important. Il faut aller dans les quartiers parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont privés d'emploi ont du mal à se mobiliser parce qu'ils sont dans la culpabilité. Donc je pense qu'il faut aller les chercher aussi dans les quartiers. Il faut aller distribuer sur les marchés. Il faut aller chercher les travailleurs des toutes petites entreprises qui ne peuvent pas forcément faire grève. Mais c'est à nous de faire ce travail-là. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est la répression sur les étudiants. Au Havre, on a pris une décision, et je pense que c'est la responsabilité des organisations syndicales, en tout cas c'est celle que mon syndicat a pris, on ne touchera pas à un cheveu d'un étudiant au Havre. Donc c'est pas compliqué. Chez nous, la CGT au Havre a voté une motion et a appelé les forces de police et le préfet. À chaque fois qu'un étudiant sera convoqué à l'hôtel de police, c'est pas compliqué, le port s'arrête. Ce mouvement, il est aujourd'hui un mouvement de jeunes, d'étudiants et de lycéens. C'est à nous, les syndicats de salariés maintenant, de soutenir ce mouvement. C'est à nous de construire tous ensemble. Donc oui, il faut qu'on le construise, il faut qu'on le rêve ensemble. Il faut qu'on le bâtisse ensemble, ça me semble très important. Moi, je vois cette banderole derrière, étudiants solidaires des travailleurs en lutte. Ce soir, j'ai envie de dire les travailleurs solidaires des étudiants en lutte, ça me semble vraiment important. Et je conclurai par une petite phrase qui m'a beaucoup marquée lors de mes premières grèves. Il y a un Premier ministre un jour qui a dit « c'est pas la rue qui gouverne ». Et je crois qu'aujourd'hui, on va pouvoir leur prouver le contraire. Et à toutes. Déjà, on est très heureux, et enfin, voilà, moi heureuse et lui heureux d'être là ce soir pour ce meeting. On va intervenir un peu sur la situation à Paris 1. Pour commencer, juste quelques éléments un peu de cadrage, parce que pour les étudiants qui ne sont pas à Paris 1, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même une fac qui, depuis 2010, avait connu aucune AG à plus de 150 personnes. Et voilà, il y a un peu une tradition de lutte, etc. Mais au final, Tolbiac Larouche était devenu un peu abstrait. Et c'est pour ça que ça a été assez impressionnant. Le 9 mars, il y a eu un vrai changement de climat. C'était là où on a organisé notre première assemblée générale qui a réuni plus de 700 personnes. Et depuis, on a constitué des comités de mobilisation qui sont aujourd'hui voilà, autour de entre 50 et 100 personnes. On a organisé un certain nombre d'assemblées générales avec une date un peu notable qui était celle du 24 où comme on a bloqué la fac, on était plus de 1000 en AG. Et voilà, avec un mouvement qui s'est structuré autour, y compris de l'organisation de cours alternatifs, d'un meeting, d'un certain nombre d'initiatives comme ça. Seulement, je pense qu'il y a une caractéristique qu'il faut un peu pointer pour comprendre la mobilisation à Paris 1, c'est que c'est quand même une fac qui se veut voilà, fac d'élite. C'est en réalité un vrai bastion de l'impérialisme, parce que dans le même moment qu'il y avait la mobilisation, il y avait quand même une conférence du GIGN en Sorbonne. Il y avait tout un tas voilà, de partenariats avec Israël, etc. Et je pense que c'est cet élément-là qui explique aussi un fait assez caractéristique qui est notamment la répression qui s'est abattue de plein fouet sur le mouvement qui était en train de se construire. D'abord administrative, avec une fermeture de la fac le jour où devait y avoir une AG et une date de mobilisation le 17 mars. Puis avec son pendant policier, qui fait que le soir même, quand des étudiants avaient quand même investi l'amphithéâtre pour se réunir, qui ont été virés par 300 CRS qu'ils ont matraqué très durement, et il y a encore des taches de sang sur le trottoir, quoi. Et en réalité, face à ça, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que ça a été un élément déterminant qui a entraîné une radicalisation assez importante de la mobilisation, et notamment en lui donnant un contenu politique fort. Et ça s'explique parce que je pense que les étudiants et étudiantes mobilisés de Paris 1 ont fait preuve d'une grande réactivité dans ces circonstances. D'abord, face à la fermeture administrative, on a quand même organisé une AG qui s'est tenue place de la Sorbonne, où il y avait autour de 300 personnes. Et ça, c'est un fait assez notable, parce qu'en réalité, c'était aussi un événement qui avait une force symbolique importante, dans la mesure où ce qui participe aussi des revendications, c'est de faire de cette espèce de lieu, voilà, de temple du savoir, en réalité, un espace qui permet d'associer les profs, de donner un contenu alternatif et d'en faire un vrai outil au service de la lutte, quoi. Le deuxième élément, c'est notamment autour d'une action qui a été organisée, auquel les camarades de Paris 8 ont largement participé, qui a consisté à repeindre la fac de Tolbiac en rouge, avec en y associant... Voilà, ça incarnait un peu à la fois l'idée de marquer le coup et qu'il y avait du sang des étudiants qui avait coulé quelques jours auparavant à ce même endroit, et en même temps de donner les couleurs de la lutte en fait à cette fac. Et en fait, tous ces éléments-là, je pense que ça nous a permis d'acquérir des réflexes de lutte importants, en plus de convaincre en fait la majorité des étudiants et étudiantes que cette mobilisation, elle s'étendait largement au-delà de la problématique de la loi travail, et que c'était plus généralement une mobilisation qui s'opposait à ce gouvernement réactionnaire et liberticide. Et en fait, toute cette dynamique, moi je pense qu'elle a connu un peu son point d'orgue le 5 avril dernier, où en cette journée de mobilisation, il y a eu plus de 130 interpellés lycéens et étudiants, et qui a il y a eu une réaction très forte, qui y compris a été associée aux gens de la Nuit Debout, mais avec le mot qui est passé très rapidement dans le cortège, de dire il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose, et où spontanément on s'est rassemblés devant le commissariat de Marx-Dormois. Ce qui a permis en fait à terme de libérer les lycéens qui avaient été interpellés, puis où on s'est déplacé vers Maubert Mutualité, y compris rejoint par plein de camarades de la Nuit Debout, ce qui a donné une espèce de nuit des barricades totalement incroyable, avec une détermination folle et tout un contenu politique en fait très radical et très déterminé autour de la question de faire tomber cet état policier, quoi. Et du coup, juste pour conclure, je pense que cet élément-là, c'était vraiment l'occasion de franchir une étape dans le bras de fer qui était engagé avec le gouvernement. Et je pense que si vous avez vu des images, c'est assez frappant de voir que c'était vraiment comme un air de mai 68 qui commençait à ressouffler dans le quartier latin, quoi. Au fond, près du radiateur. Et on accueille désormais Karim Cheminot au technicentre au Landry à la SNCF. Donc les cheminots avec qui on a commencé à tisser pas mal de liens. Et voilà, je laisse la parole. Bonsoir tout le monde. moi c'est Karim, là, je suis au technicentre de Landier, donc 890 cheminots. Donc avant de commencer, nous on tenait à remercier les étudiants de Paris 8 qui nous ont soutenus dans tous nos grèves. Ils étaient là à tous les piquets de grève et merci beaucoup. Donc moi le message que je voulais faire passer aujourd'hui, donc on est fiers de vous. On est fiers de ce que vous faites. Aujourd'hui, la jeunesse, elle s'est levée face au gouvernement, elle est venue dire au gouvernement, nous, ce que vous nous proposez aujourd'hui, la précarité que vous nous proposez aujourd'hui, nous, on n'en veut pas. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un avenir. Nous, on veut un avenir. Et ça, ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui, le gouvernement, il en a peur. Pourquoi il en a peur, le gouvernement? Parce que c'est vous, les salariés de demain. Il sait que s'il se met la jeunesse à dos aujourd'hui, demain, quand vous serez salarié à temps plein, vous allez aller mettre les entreprises en grève. Et ça, il a peur. Il ne veut pas que vous ayez cette culture de la grève. Donc soyez fiers de vous, et nous, on est fiers de vous aussi. Il ne faut pas lâcher, continuer. Donc aujourd'hui, par rapport à la SNCF, ce qui se passe, donc je pense que les cheminots qui sont passés avant moi, ils vous ont un peu expliqué. Donc... ils ont décidé de remettre en question toute la réglementation SNCF. Donc aujourd'hui, ils nous expliquent qu'ils veulent faire, ils essayent de négocier. Négocier quoi? Négocier la précarité? Négocier la régression sociale? Il n'y a rien à négocier. On ne veut pas aller discuter sur des régressions sociales. Donc, ce qui se passe de positif aujourd'hui au niveau de la SNCF, c'est que les cheminots, ils se sont mis dans la tête que la loi El Khomri, ils sont concernés. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est là où il y a l'importance sur la convergence des luttes. Parce qu'au début, on avait un petit peu du mal à leur expliquer qu'ils étaient concernés. Bon, on avait des contractuels chez nous. Il y avait la com de la SNCF aussi qui expliquait que les cheminots n'étaient pas concernés. Et ils expliquaient qu'ils ne comprenaient même pas pourquoi on était en grève. Moi, aujourd'hui, j'estime qu'à partir du moment où il y a un mouvement qui se lance, je dois être dans la grève. Si j'estime qu'il y a une inégalité, je dois être dans cette grève. Et donc, ce qui est positif aussi, c'est que ils essayent de magouiller les chiffres, ils essayent de dire qu'on ne mobilise pas dans les 24 heures, sur des grèves de 24 heures, des grèves carrées. Ben moi, j'ai la réponse aujourd'hui à l'entreprise SNCF. Les cheminots, aujourd'hui, demandent la grève reconductible. Ils veulent la grève reconductible. Et rien d'autre. Ils sont déterminés à mener la bataille. Et je vous le garantis, les cheminots, ils sont en ébullition. Ils attendent le mot d'ordre. Ils attendent que les organisations syndicales lancent le mot d'ordre. Et j'espère que ça va venir rapidement, parce que c'est maintenant qu'il faut y aller. D'accord. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans nos tournées syndicales, donc, on explique aux gens, ceux qui ne sont pas encore convaincus, qui attendent le mot d'ordre, parce que on est dans une idée de 50-50. Il y en a qui essayent de lancer des démarches toutes seules, donc la base, qui essayent de lancer le mouvement, et il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés, qui attendent que les OS viennent dire « bon, il faut y aller ». Mais on va y arriver. Je vous garantis que ça va péter. Je vous garantis qu'on va paralyser le réseau ferré, on va paralyser les transports. Ça, je vous le garantis et je vous l'assure. Donc, aujourd'hui, dans nos revendications syndicales, c'est très facile pour nous. On a trois mots à dire. Retrait, grève générale, et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminé dans nos actions, et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. Et on va l'expliquer à ce gouvernement que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas eux qui vont décider notre vie. Donc, on ne lâche rien. Voilà. Du coup, maintenant, on va accueillir Nico, Jonathan et Louis, travailleurs sociaux du 93. Ça fait plaisir devant du monde aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs années qu'on subit des mouvements réactionnaires. Les bonnets rouges, la manif pour tous, enfin le mouvement social se réveille, ça fait du bien. Sur le 93, donc on est des travailleurs sociaux et en fait on subit le libéralisme dans notre gueule. Et on a décidé de résister dans l'unité. C'est-à-dire qu'on a monté une intersyndicale qui réunit la FSU, la CGT, Solidaire, des non-syndiqués, des collectifs, et aussi dans une logique interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une assemblée générale, il y a un mois, on était 150. Il y a deux jours, on était 150, toute une journée de formation intersyndicale. Mais on réunit donc des travailleurs sociaux qui travaillent à la PJJ, qui travaillent dans l'éducation nationale, dans la fonction publique hospitalière, dans le public et dans le privé, et également à Pôle emploi. On est déjà dans une logique de convergence des luttes, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les attaques qu'on subit sont les mêmes d'un secteur à l'autre. Sauf que les temps de mobilisation qu'on a sont des temps différents. Quand on lutte les uns à côté des autres, c'est des luttes de défaite. Il faut réinventer un nouveau calendrier de mobilisation où on arrive à créer une vraie convergence des luttes. Voilà, donc aujourd'hui, les travailleurs sociaux de la Seine-Saint-Denis, on se bat pour nos métiers, mais on se bat aussi pour la population qu'on accompagne au quotidien. En Seine-Saint-Denis, vous devez le savoir, le taux de chômage est juste délirant. Dans les quartiers populaires, l'exclusion, le racisme structurel fait partie de la réalité sociale. Aujourd'hui, on se bat aussi dans une logique de solidarité, une solidarité avec les quartiers populaires. On ne se bat pas que pour nous. Voilà, ça c'est déjà un premier point pour nous. Ensuite, on est dans une logique de convergence des luttes. Donc là, j'enlève complètement ma casquette de travailleur social, mais plutôt de travailleur qui a envie de gagner. Donc sur le 93, il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à une stratégie de victoire, à une stratégie offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des AG de ville qui sont à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Noisy-le-Grand et à Montreuil. Ce serait peut-être pas mal qu'on arrive à faire une AG interprofessionnelle de toute la Seine-Saint-Denis, où on fait un départ en cortège du 93 sur Paris pour montrer que le 93 est là et en force, avec tous les secteurs, avec l'éducation nationale, avec les aéroports, avec les postiers, avec les travailleurs sociaux, avec les étudiants, les lycéens. Ça, c'est notre force. Montrons que le 93 est un département rebelle. Montrons que le 93 est un département qui sait se soulever. C'est comme ça qu'on gagnera. Et pour finir, on va construire par secteur la grève générale, si on peut, reconductible. Dans certains secteurs, c'est très dur. Et bien, ce qu'on peut faire en attendant, c'est se fédérer et bloquer le pays, bloquer le département, bloquer la machine de production. Et c'est là-dessus qu'on va peser. On bloque tout maintenant. On bloque tout. Bonjour, bonsoir. Nous sommes toujours au fond près du radiateur dans l'émission 106.3 de Fréquence Paris Pluriel. Donc vous avez écouté l'AG de Paris 8, c'est une AG interprofessionnelle avec des étudiants et comme vous avez pu l'entendre, des grévistes, des gens du Havre. Je trouve que le premier point qui est très intéressant, c'est vrai que c'est important dans un moment où on casse, parce que c'est bien le principe de cette loi, les salariés, et plus largement les personnes qui osent se défendre, de dire que la grève, c'est aussi une très grande fierté, un très grand honneur face au mépris social. Et quand je parle du mépris social, évidemment, on a en tête, en dehors de la ministre M. Connery, aussi l'autre mec qui est un ancien banquier de la banque Rothschild, j'ai oublié son monsieur Macron. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on se fout largement de notre gueule, que y a toutes les histoires et les affaires qui ont été faites, notamment les articles du Monde qui montrent qu'une partie des grands financiers aujourd'hui passent leur temps plus à cacher leur argent dans les paradis fiscaux. Ce sont des milliards qui sont ailleurs pour éviter de payer les impôts, des gens comme DSK et plein d'autres aujourd'hui. Et je trouve que de dire et de redire que ceux et celles qui font ce pays ont le droit de dire non. Et l'organisation, c'est la possibilité de faire grève. Et soyez fiers de vous parce que vous faites grève. Je trouve que c'est très important dans un moment donné où depuis de très longues années, il y a ce mépris social pour le droit à la parole, pour le droit à communiquer et s'organiser. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très fort, une très belle philosophie au départ, c'est de dire nous avons des choses à dire et nous sommes plus importants que vous qui représentez la minorité. Donc vraiment, ça, c'est très large. Et je pense qu'on va commencer à faire un moment de pause musicale et on va revenir avec notre collègue pour revenir sur certains points Voilà, comme ça c'est important un peu de respiration et puis un moment de poésie. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil à la place de la République. On utilise la musique, l'art aussi est un moyen, c'est important de le rappeler, d'expression et de révolte. Et je trouve que ça fait partie aussi de notre engagement, que l'art peut s'engager. Et voilà, donc à tout de suite et merci pour l'écoute. Nous considérions ces revues comme des êtres pitoyables et relativement inoffensifs. Putain, quand je vois cet endroit, j'ai la haine. Il doit, bien entendu, être neutralisé. Il y aurait donc livraison dans 12 heures. Les gens ont faim. On n'a plus rien à perdre. Homicide verbal, littérature sur mon tableau de chasse. Ramène les experts, c'est raclant, suivant pas notre âge. Confectionne un produit qui t'endort dans ton lit. N'ayant pris son service, je les transforme en zombies. J'ouvre l'échantillon, c'est de la peinture de test. Comme Coca-Cola, j'ai la formule secrète. Mais quelle mouche m'a piqué. J'tombe au fond du coup, j'me retrouve en Heisenberg. Et j'éprouve pas de pitié, ils bouffent dans les kistés. Ils veulent que l'on avoue, on brûlera notre labo si ils remontent à nous. Et j'coupe la drogue sonore, j'la compacte en CD. On va y aller, RG, l'écoute pas trop trop fort. Pour les neurones d'un être humain, j'ai ramené les instruments. Si tu me fous au fourneau, je te ferai goûter la prudence. À la bastonne, faire la queue, ma clientèle m'est familière. Un billet rouge, loin d'être une misère pour tous les straps d'hier. Alors laisse-moi mixer ma frappe, pas dans le couvre une heure sans air. Chaque détail est précis, c'est de la couture de grand-mère. T'en perds déjà ta grammaire. Chaque coup de flamme te manipule. Avant de fuir en caravane et que ton groupe parle de ma pilule. L'effet de la bombe me véhicule avant d'avoir fait la chimie. T'auras plus aucun doute à te faire si tu t'endors à minuit. Et puis tu sais on t'en veut pas, c'est ce qui définit ma tronche. Dès que j'entends des vibrations, c'est l'élimination. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le spatial du jour. Pourquoi ce nom-là? C'est ce que mangent les astronautes. Ouais Houston, on a un problème, même un gros. Où sont les lagos? J'ai toujours pas mon palace au bled. Le crash, la comète, c'est pour très bientôt. Elle boule des pleins pots, monte à bord, t'auras ta roquette. Le couvre de la bonne, c'est drogue verte qui te fait l'effet d'un bobsleigh. Hop, c'est cultivé chez Marc Dorcel. Observe, comme l'air fait tous, on sert des douze. J'dois faire des où j'peux pas brasser de l'air jusqu'à mon dernier souffle. Quand j'vois leur comme les cas, j'ai honte de mes gosiers. Skyrock dégage des ondes de médiocrité. Drogue sonore en morceaux, j'écoule le kilo. Tu dis que la barre est haute, j'devrais prendre des cours de limbo. Elle se pliera sous le manteau, entre autres personnes averties. Qu'elle risque des troubles mentaux, s'expose à de graves vertiges. J'addicte à la première dose, la daronne, dis pas de bêtises. Mais comme t'écoutes ce morceau, c'est déjà trop tard à vrai dire. Faut qu'elle se propage dans l'hexagone, de la gorge jusqu'à l'île. Non, ne crois pas que c'est de la coke, bien qu'elle frappe fort à chaque ville. Les flics veulent trouver le labo, c'est la porte de la cabine. Dis-leur que pour stopper le trafic, il faudra nous faire la peau. Et tous les labos en famille, certifié fait maison. Pour tous les mal au Stanfield qui assure les livraisons. À tous les accros de la rime qui se plaignent d'un pénurie de vrais sons. Réclame de la pure et n'avale plus la merde qui diffuse sur les ondes. Nouvelle drogue sonore, fais tourner à tes potes. On a des purs textes, faut pas nous couper la parole. On sème dans une feuille à rouler, marrage sur une feuille de papier. L'État m'a prouvé qu'il n'y a pas besoin d'être pour voler. On crame tout dans ton foyer, on manque pas d'imagination. J'écris mon son, aspire à fond. Deux, trois barres, j't'ai défoncé. Plantain sur mauvaise graine qui peut pourrir au tribunal. Le produit garde tout sa saveur quand il est sous cellophane. Lâche mon billet rouge pour mes plaies sortis du four. 40 degrés dans la cabine, ma voix passe pas par les narines. Et j'suis nocif pour la santé. Ou fleurit mes registres, tu m'as comprimé notre CD et roule-toi à grosse plif. J't'emmène là où les tocs s'endorment. Le gouffre on vient kicker en branle pendant que les auditeurs en manque réclament la drogue sonore. J'ai aucun plan de secours à part mon pif, la pomme, son fils. Mais je sais que si je la croque, c'est mort. Fuck les porcs, on vient vous enfumer vos oreilles. J'compte mes torts avant de m'engouffrer dans le sommeil. Plombe mon corps, à force me miner, gros, je saigne, j'trompe le sort. On vient ramasser tout l'oseille. J'répète, c'est pour le gouffre jusqu'à la crise de foi. Pour te foncer, on découpe toutes nos prises de voix. Et frites mon douce de gros délit, te bouche de litres. T'as le pouce marron à force violer, la touche répite. Drogue sonore en morceaux, j'écoule le kilo. Chaque détail, détail est précis. Certifié fait maison. L'ayant cris son service, je les transforme en zombies. T'as le pouce, tes pouces marron à force violer, la touche répite. Fais tourner à tes potes. Bonsoir, bonjour, vous êtes bien au fond près du radiateur dans l'émission, au fond près du radiateur, dans l'émission sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. J'en perds carrément mon latin, comme on dit. Et alors, on va faire une expérience. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on va le faire. Dans 10 minutes, voilà, dans 10 minutes, on va être sur Nuit Debout. On vous expliquera ce qu'on va faire. Et maintenant, est-ce que tu peux réagir un peu de ce que tu as entendu? Parce que toi, tu essayes aussi d'intervenir en tant que salarié dans ces AG. Comment tu les vois? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, bonsoir à tous. Laura, encore avec vous. Au début, on était dans les manifestations, on était très actifs. C'est les étudiants plutôt qui ont lancé le mouvement. On a eu les salariés. Néanmoins, ça manquait de vif, en fait, parce que les médias occultent tout ce qui se passe et manipulent un peu l'opinion publique. Il n'y a encore que très peu de médias indépendants. Aujourd'hui, les médias sont obligés de se mettre au goût du jour parce que tout se sait, tout ce qui est en train de se passer se sait. Et grâce à ça, la Nuit Debout à laquelle je participerai ce soir pour la première fois, ce sera ma première Nuit Debout. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller avant. Et cette Nuit Debout, elle est en train de prendre une très grande ampleur en France en quelques jours, je sais, même pas une semaine en fait. Je crois que toutes les villes de France se sont mobilisées. On en était à plus de 100 villes, enfin je sais plus, que ce soit les manifs, il y a eu 200 manifestations dans toute la France. Les Nuits Debout, ça prend une ampleur gigantesque. Et donc moi, je suis très positive sur la continuité des choses et ce qui se passe dans les AG ou même à la Nuit Debout, c'est que les gens discutent, les gens essayent de trouver, donc les gens déjà apportent leur point de vue sur ce qui se passe. Bon, bien sûr, les gens en ont marre de cette politique actuelle qui a été menée par des personnes qui nous ont trahis, que ce soit parce que nous, on paye tous des impôts et ces personnes-là, on découvre qu'elles ne payent pas d'impôts, qu'il y a des choses, on en a tous marre. Et donc à cette Nuit Debout, on expose les points de vue et on essaye de trouver des solutions. C'est des étudiants de sciences politiques, c'est des étudiants de philosophie, c'est plein d'étudiants, même des gens, des citoyens salariés ou autres, qui discutent, qui exposent leurs projets, ce qu'ils pensent pouvoir apporter pour le changement et des alternatives à la politique actuelle. Voilà. La question de ça, c'est qu'effectivement, si on parle juste du point de Nuit Debout, c'est que ça a commencé il y a quelques semaines et aujourd'hui on s'est aperçu que partout en France, eh bien, il y avait des places qui s'occupaient. Ça commence par quelque chose qui est de l'ordre de plein d'autres expériences qu'on a eues en Espagne et ailleurs, Occupy Wall Street aussi. Et je pense que c'est Slavoj Žižek qui disait « Faites attention ». Ne vous satisfaites pas seulement de ça, soyez fiers de vous, mais aussi construisez un mouvement autour de ça. Et je trouve ça important aussi de le rappeler. Et c'est vrai que au moment où il semblerait que c'est seulement le 28 avril qu'il va avoir la première prochaine action, manifestation importante, c'est vrai que ça permet au moins que les gens se retrouvent aussi, s'ils ne sont pas syndiqués, s'ils ne sont pas à la fac, s'ils ne sont pas X ou Y, ça permet d'avoir des débats. Et puis aussi, je le rappelle, de faire peut-être des manifestations, des propositions d'action concrètes. Et moi, j'ai pu y aller. Je trouve ça, il y a évidemment une belle dynamique. Et c'est une belle construction d'essayer de les alternatives à ce qui fait, ce qui ne se fait pas. Alors, c'est vrai que ça fait un peu penser un peu à un côté très citoyen, etc., civique, entre guillemets, pacifique, et c'est vrai que c'est pas notre habitude. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, les syndicats et plus largement la gauche française ne représentent plus grand-chose, et qu'il y a un dégoût profond, et on le dit, on le répète, de le politiquement, la manière de s'organiser, la manière où, et on le voit bien aujourd'hui avec le gouvernement de gauche, et notamment du Parti Socialiste, où on voit une élite qui se fait élire et réélire, où il faut passer par l'ENA, Sciences Po, et je ne passe, par l'élitisme et le surréalisme de l'élitisme. On a vraiment, comme diraient certains, des professionnels à vie. On pense évidemment à Laurent Fabius, ça donne une indication très précise de la carrière politique d'un personnage comme ça, des François Hollande et plein d'autres. Et effectivement, en dehors du fait que ça fait une forme de décrochage entre le réel, c'est effectivement les gens, l'écrasante majorité des salariés qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui, vivant dans les minima sociaux, et des gens comme Banater qui parlent de principes maintenant du code du travail et plein d'autres. Ouais, il y a un décrochage social et effectivement le mouvement ouvrier aujourd'hui est organisé, dirigé par des gens comme dirait Daniel Guérin à l'époque, ce sont des bronzes avec des grands palais. Là, ce sont les palais de la République, mais il y a d'autres grands palais. Et il y a ce vide social et surtout cette pauvreté massive. Et je pense que c'est intéressant de voir que les travailleurs sociaux de la Seine-Saint-Denis rappellent que plus de 50% des gens en Seine-Saint-Denis vivent en grande partie avec les minima sociaux, que c'est l'un des départements, et c'est moi qui le rajoute, qui est le plus pauvre de France, avec un taux de chômage dans certains quartiers de 25-30%. Et là, on dit quelque chose du réel. C'est que d'un côté, vous avez, et je pense aussi à tous les chiffres qui nous sont balancés, 4, 5 à 15 grosses fortunes en France qui a augmenté ses bénéfices de 200% en moins de 10 ans. Et je pense évidemment au travail de Pinson-Charlot au niveau de ces études-là qui montrent une accumulation de richesses. Non, la crise n'est pas seule pour tout le monde. Elle est pour une minorité de gens. La réussite sociale, c'est pour une minorité de gens. Et la crise, c'est pour l'écrasante majorité des gens. Et ce n'est pas vrai que le Code du travail, en tout cas, empêche Bernard Arnault, Monsieur Bouygues, Monsieur Bolloré d'accumuler et d'accumuler des milliards dans leurs banques et dans leurs placements financiers. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et sur le dos d'une massification de pauvreté. Et je pense que ça, c'est le cœur aussi de ce sujet. Tu voulais rajouter quelque chose ? Parce que là, je suis un peu monologue. C'est super ce que tu dis. Et moi, je voulais juste rajouter le fait que justement, Nuit Debout, c'est un mouvement pacifiste. C'est des gens qui veulent qu'on leur donne la parole. C'est une majorité de gens qu'on n'en voit jamais à la télé, qu'on n'entend jamais. Quand on voit que des gens, moi, je vais parler avec les émotions, mais quand on voit que des gens comme Balkany sont encore au pouvoir avec les casseroles qu'ils ont, je veux dire, il a endetté sa ville. Aujourd'hui, Levallois est la ville la plus endettée de France. Je veux dire, on connaît toutes les maisons dont il disposait, que ce soit dans les îles, que ce soit au Maroc, des villas dont il disposait. Que ces gens-là soient aujourd'hui encore au pouvoir. Monsieur Balkany est aujourd'hui député. Enfin, je veux dire, comment on peut accepter des choses comme ça ? C'est vrai qu'il y a un décalage entre, en fin de compte, on appelle ça des délinquants à col blanc, mais c'est rien d'autre que des malfrats. Voilà. Et de l'autre côté, quand une partie de la jeunesse pour survivre fait dans l'économie parallèle, on voit immédiatement les sanctions qui sont une sanction de prison, qui sont par exemple, je crois que c'est Pierre Bourdieu qui disait on ne juge pas les faits, on juge la personne en termes social. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et là, on le voit bien avec même les dernières sanctions de X ou Y personnes qui se retrouvent prisonnées non coupables et innocents. Et une partie de la jeunesse qui est d'abord coupable parce qu'il représente une réalité sociale qui est prolo. Et je trouve que ça parle concrètement par rapport à tout cet espace et cette réalité. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ça va, jeune homme ? Parce qu'au-delà de ça, on a un jeune homme. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est bien. C'est bien ? Oui. D'accord. Alors, on a les petits blancs. Il est un peu timide, voilà. Et toi, tu as été dans des manifs un peu ? Tu as été dans des manifs ? Qu'est-ce que oui. T'en penses ? C'est joyeux ? J'ai fait des manifestations, c'était joyeux, très bien. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses alors ? Il y avait beaucoup de monde dans les manifestations ? Oui, on n'a pas réussi à trouver les Paris 8. Ah oui, on a recherché les étudiants. Tu as recherché Paris 8, d'accord. Qui sont très actifs en ce moment sur les manifestations. Oui, ils étaient tout devant. Ils étaient devant, effectivement. Il y avait beaucoup de policiers, tu trouves ? Ah ouais, ils avaient un bouclier. Et toi, ça te fait peur ? Non. Ça va. Ils envoyaient... du gaz ? Oui, ça faisait quoi le gaz, en fait ? Piquait la gorge, les yeux. D'accord. Ça piquait le visage et la gorge. D'accord. Ben ça, c'est une réalité aussi de toutes ces manifs. Il faut quand même savoir que moi, j'ai été à la manifestation de Nation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les médias sont et perçoivent ça. D'abord, je voudrais aussi au jeune homme, bravo, hein, parce que c'est peut-être ta première fois que tu parles à un micro. Oui. Ah bah, tu vas devenir un grand pro. Je l'espère pour toi. OK ? Alors, à la fin de Nation, on a vu au moins une chose, c'est l'obsession de la police de vouloir arrêter des personnes. L'habillage, la manière dont ils sont habillés, c'est carrément militarisé et militaire. Ils ont sorti des espèces de casques, armes de guerre, des trucs. Les fusils de chasse ont été sortis aussi. Enfin, nous, ça nous a beaucoup étonnés. La police a été équipée de fusils. Et donc, on voit qu'il y a une répression forte. Et dans un pays comme la France, on se demande si on n'arrive pas sur une dictature. Hein. Je parle peut-être, mes mots sont peut-être un peu durs. Hein. Non, tu dois parler dans le micro. Ouais. Je disais que je vais peut-être utiliser des mots un peu durs, mais on se demande si on n'arrive pas dans une dictature quand on voit que les policiers nous encerclent et qu'aujourd'hui on les arme avec des fusils de guerre, de chasse ou de guerre. Enfin, je m'y connais pas trop en armes, mais je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, on veut faire peur aux gens qui manifestent. On veut faire une répression pour que les gens ne sortent plus dans la rue. Mais moi, je trouve que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas par la peur qu'on gouverne un pays, et surtout un pays qui a été une démocratie. Et il faut se battre pour garder cette démocratie. Une démocratie, ce n'est pas perpétuel. Il faut qu'on se batte pour garder nos acquis, pour garder nos droits. Voilà, donc je te laisse parler, Mouloud. Oui. Et je trouve que tu as, en tout cas, au moins sur un point, c'est qu'effectivement, la manifestation de samedi montrait une impressionnante armada de police, de gendarmerie, de CRS, de policiers en civil qui utilisent au-delà de ça, comme d'habitude, les étiquettes CNT pour confondre et pour casser aussi. Et j'ai trouvé aussi que la présence... quasi un voisinage comme ça, on a l'impression qu'on est encadré, qu'on peut pas manifester, et qu'à chaque coin de rue, on se dit à quel moment ils vont charger. Et voilà, c'est quelque chose de très précis, ça. Et tu voulais ajouter quelque chose ? Justement, j'ai été présente à la manifestation de mardi. Alors samedi, j'ai pas pu, j'étais en cours. J'ai été présente à la manifestation de mardi. Et c'est vrai qu'on a été bouleversés parce qu'il y a eu 130 arrestations de jeunes, lycéens et autres. Ils ont été emmenés au commissariat, ils ont attendu pendant, plus d'une demi-heure, une heure, voir si c'est pas tout l'après-midi, dans une cour, dehors, sous le soleil. Ils ont été entassés là. Et nous, ce qu'on a décidé en fin de manifestation, plusieurs personnes ont pris la décision de se rendre au commissariat de mineurs dans le 18e et d'aller demander la libération des camarades. On a été devant le commissariat, on était plus de 200 personnes devant le commissariat, on avait plus de 50 flics devant nous, une voiture du militaire aussi qui est passée par là, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, on avait des CRS qui à un moment nous ont poussé pour qu'on recule sur la chaussée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais c'était quand même très chaud, on se tenait les uns aux autres, parce que c'était vraiment tendu. Donc, on était justement avec plein d'amis là-bas, et on a crié des slogans, on a demandé déjà aux policiers de se calmer parce qu'on était là de façon pacifiste, on a demandé la libération des camarades jusqu'à, je crois, 18h, 19h, on était devant le commissariat, et même si ce n'est plus tard, parce que moi je suis partie, pour demander la libération de nos camarades, on a obtenu la libération des camarades dans la soirée. D'ailleurs, le journal Révolution Permanente a mis plusieurs photos et vidéos de cette soirée, et qui s'est terminée apparemment devant le commissariat des majeurs pour demander la libération des majeurs, et je crois que beaucoup ont été libérés. Donc c'est quand même un succès, et nous on veut pas de cet état répressif, et on veut pouvoir continuer à exprimer nos droits, à avoir cette liberté d'expression sans être réprimé par la violence ou le mépris. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la manière dont on traite les médias comme... pour ne pas le citer, B, vous avez tout de suite compris de quoi je parle, c'est la chaîne Fric et la chaîne 24 heures Info, où on parle du grand capital comme si c'était chic de gagner beaucoup de thunes et d'écraser les gens. Cette télévision directe, en live, H24, déjà deux choses qui font, c'est... Et comme tous les médias parlaient des bons manifestants et des mauvais manifestants, les casseurs et, j'allais dire, le vrai manifestant, c'est eux qui doivent donner le label respectable du manifestant. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ils le font et ils l'ont fait notamment à la fin de Nation, où là, cette chaîne de télé montrée en direct comme c'était la guerre du Golfe, l'Irak, eh bien, était fin aussi, la télévision de Bouygues, voilà. Vous avez Bouygues, Bolloré, que sais-je, voilà. Canal+, vous renvoyez à quel grand du capital. Et donc, tous ces médias qui sont la propriété de chaque homme du CAC 40 et Lagardère, et Serge Dassault pour le milliardaire, et Serge Dassault pour certains grands journaux, nous montrent et veulent nous montrer des scènes de guerre. Et c'est ce qu'ils attendaient, et ce qu'ils, en tout cas, ont montré dans la manif de Nation, c'est au secours, au secours. Et c'était amusant parce qu'on avait l'impression, quand on voyait ça, et alors que moi j'ai participé à cette manifestation, qu'on était en pleine guerre du Golfe, avec des armes qui allaient sortir, des massacres, tout ça pour justifier, un, la répression policière, deux, pour casser le mouvement, trois, pour la seule chose qu'il y a à dire, c'est ce sont des gens qui n'ont rien à dire et ce sont des gens dangereux. Le danger, ce ne sont pas la mise au ban sociale et la mort sociale d'une population pour servir le grand capital. Ça, c'est pas la répression, c'est pas dégueulasse. Par contre, ce qui est dégueulasse, c'est que le pauvre va essayer de manifester et de dire je ne suis pas d'accord. La police, en fait. Alors, moi, je voudrais juste ajouter, Mouloud, je passe le message d'une étudiante qui est passée sur iTélé, je crois, vendredi soir, après la manif, pendant la manif, une étudiante à Issatou de Paris 8, qui est la porte-parole des étudiants. Et elle a dit, on a décidé de ne pas faire de distinction entre les casseurs et les manifestants, même si on sait qu'il y a des casseurs, des faux casseurs qui intègrent les manifs, des durs de durs ou parfois même des flics en civil. Mais Aïssatou a dit on ne fera pas de distinction entre les casseurs et les manifestants pacifiques parce qu'aujourd'hui, on est tous dans le même bateau et voilà, on en a marre qu'on soit qualifié de mauvais manifestants, bon manifestants, comme tu disais, Mouloud. C'est vraiment pour... c'est divisé pour mieux régner, en fait. Oui, et puis ça a un point rôle, je pense qu'on l'a dit et on le répète, c'est pour disqualifier un mouvement. Et on sait très bien aujourd'hui, depuis 10 ans, 15 ans, c'est comme ça qu'on arrête un mouvement social. C'est par la répression, par la manipulation de telle ou telle catégorie de gens, catégorie des gens. Et la réponse, ce n'est pas une réponse politique qui devrait être basée sur le retrait de cette loi. C'est le minimum qui est exigé aujourd'hui et que moi-même aussi j'exige, c'est le minimum de le dire. Mais c'est par la répression et par la disqualification du droit de se révolter et du droit à demander le retrait de cette loi. Je pense qu'on va passer quand même un petit peu de musique et on va revenir au fond près du radiateur et peut-être qu'on passera un peu, parce que c'est ça l'idée qu'on essaye de faire, eh bien, l'émission Place de la République, voilà. Oui, et pour être en accord, Mouloud, musicalement, avec ce dont on a parlé, on va s'écouter du groupe Le Gouffre, l'artiste phonique. On va s'écouter Silence Radio. C'est parti. Si tu n'as pas à avoir peur que je m'en serve contre toi, c'est de la curiosité, disons. Ah, ça y est, je vais avoir droit à la séance de psy. Vous allez essayer de me comprendre. Alors, chapitre 1. J'ai eu des parents divorcés et pauvres en plus, ok? Vous croyez qu'on voit pas les mêmes films au cinéma? Faut pas rêver! Qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez me sauver de ma propre vie? On me disait faux, la vie d'adulte c'est plein de problèmes. Je t'en dis pas plus gros, je viens de capter le proverbe. Quand l'amour se brise, il n'y a pas que des bouts de verre. En amitié, les gens servent vers ferme, jamais le couvert. On cherche une vraie femme, ni groupie, ni potiche. C'est la crise, même en galère, on reste riche de nos cotis. J'ai aucune prise, la conscience est un petit feu. C'était propice, j'ai grandi sur le terrain infectieux. Quand je dors dans la caisse, et ouais, seul le joint m'apaise. J'affronte la haine tous les soirs au plus profond de ma tête. C'est la baisse sans thune. Pas question que je mette les jambes à terre. J'ai cru viser la lune, mais je crois que c'était qu'un lampadaire. Faut que je garde mon calme, car le plus dur est passé mal. J'ai des mal de crâne, sort de brûlure à l'encéphale. Je perds la tête, car même dans le futur, mes plans s'égarent. Garde la pêche, les coups durs avec le temps s'effacent. Les sentiments vibrent, je me suis coffré dans le silence. Vu l'élan en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Les sentiments vibrent, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Cherche pas d'amis, je marche sur tes sons et fils de fer. En une nuit, je me pose les questions d'une vie entière, je vis l'enfer. J'effrite mon petit bout de paradis. La poisse et la bague me suis, j'attends que le vide se referme. Y'a peut-être un bug, je crois pas que j'ai choisi cette route. Une larme à l'œil quand tu vois ce que t'as bâti, c'est cool, personne s'écoute. Trouve-moi la chance, c'est promis, je l'épouse, chacun ses doutes. Donne-toi un sens, moi promis, je le prouve. Les sentiments en vibre, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Les sentiments en vibre, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Serco, aïe, 2015, ok, 18ème, t'as reconnu la voix, t'as reconnu le flow, tu t'es retrouvé dans le faux, si tu crois retenir le faux, je contamine la zone, une tuerie sur la rythmique, fume mal respire, le seum qui se cache sous ma rétine, sur l'âge des beats, des rimes toujours plus percutantes, je perds plus de temps, des fois dingue, tu risques de perdre une dent, j'en place une pour les pauvres. Joue au dur, finissant tôt, l'affaire des pompes réventes, c'est pour les murs, ça pue la rue. Je comprends que mes parents s'inquiètent, flip, mais je fais dans la médecine de pointe comme 45 scientifiques. Le débit s'amplifie comme une Dimitri Aoussa. La rue s'arme et l'ouja trépasse, là où je passe, je laque des phases, des rimes en guise d'artefacts. Terrible, garde une place avant que je finisse par te fuck. Je vois que t'as le seum, y'a ce qu'il faut, la forme et le goût. Rap, style, flow, TSR, ça sort du gouffre. 18ème pour tenir debout, il faut la prendre un soldat de plomb. On voulait juste transformer les sa forme, tomber à mine. TSR crew, mixtape du coup dans ton sous-sol ça gronde. Trop de choses foirées, l'échec a fini par plomber ma vie. 18ème pour tenir debout, il faut la prendre un soldat de plomb. On voulait juste transformer les savants, tomber à mine. TSR crew, mixtape du coup dans ton sous-sol ça gronde. Trop de choses foirées, l'échec a fini par plomber ma vie. Pour longtemps et depuis toujours, TSR ma seule patrie. Commence pas à parler de retour, il me semble pas qu'on soit parti. Dur de garder de la sympathie envers cette vie d'humeur taquine. Mais bon, comment rester statique alors dans ce monde rien n'est acquis. Je suis au taquet, pas au tapis, au pire pour m'aider à mes frères. Si dans le maquis on reste tapis. C'est pas que le succès nous effraie, non, on lâchera pas l'affaire. Parce qu'on rappe pas pour faire carrière, pas prêt à tous ces effets de merde. Pour une victoire trop éphémère, avec mes frères, je vise l'éternel. Laisser notre trace, qu'on soit fier d'elle. Faire une musique intemporelle qui a nos principes reste fidèle, loin d'une vie saine. Voilà notre seul moyen d'être immortel. Voilà pourquoi depuis si longtemps d'autant sont martels. 18ème pour tenir debout, il faut la prendre un soldat de plomb. On voulait juste transformer les savants, tomber à mine. TSR crew, mixtape du coup dans ton sous-sol, ça gronde. Trop de choses foirées, l'échec a fini par plomber ma mine. 18ème pour tenir debout, il faut la prendre un soldat. On voulait juste transformer les savants, tomber à mine. TSR crew, mixtape du coup dans ton sous-sol ça gronde. Trop de choses foirées, l'échec a fini par plomber ma mine. A chaque pilon, mes anges gardiens passent un savon. Suffit que je me lève du canapé, je traverse les nuages comme un avion. Du son bavon, une mauvaise mine, car trop de carences, on inquiète nos parents. Compte pas sur les passants, même surpeuplé, ça reste un no man's land. Un défilé d'hommes idéaux, vite cette fois Simon Brinero. Personne verra nos vidéos, encore un son sorti des halls. C'est type intrigue dans les sous-sols du gouffre. 3 MC qui s'infiltre, arrasé, l'ascenseur est cassé. Comme le Rickin Free, il reste plus qu'un filtre. C'est l'heure de l'apéro, même le moral à zéro. Le TSR fait courir l'affaire, proche de l'étouffement. Fais pas de détour, ça peut sortir le pont. Qu'à faux éboulement, y'a que du lourd au bout d'une mine de plomb. Vas-y, gamin, vas-y, gamin. Saute, saute. Bonne idée, suicide. Ça va arranger, ça va arranger. Et si je veux pas sauter? Indigestion de plomb. Indigestion de plomb. 18ème pour tenir debout, il faut la prendre un soldat de plomb. On voulait juste transformer les safs en tomber à mine. DSR crew, mixtape du coup, dans ton sous-sol ça gronde. Trop de choses foirées, l'échec a fini par plomber ma mine. 18ème pour tenir debout, il faut la prendre un soldat de plomb. On voulait juste transformer les safs en tomber à mine. DSR crew, mixtape du coup, dans ton sous-sol ça gronde. Trop de choses foirées, l'échec a fini par plomber ma mine. De retour au fond près du radiateur, 106.3 FM. Alors on va revenir avec notre chroniqueur fétiche, Mouloud, un des plus grands de la radio, hein, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est, je suis un des plus grands, je ne sais pas s'il y a un grand. D'abord fétiche, c'est un peu un côté un peu... Oui, je ne savais pas que tu avais un côté sadomaso, mais bon, chacun est fétichiste de quelque chose, c'est déjà pas mal. Et donc, une des points, c'est qu'effectivement, bah, c'est bien de rappeler, de re-rappeler que si vous êtes à Paris et que vous avez envie de discuter et de voir ce qui se passe sur la place de la République, allez-y. Samedi soir, bah, on y est passé un peu. C'était la première fois que j'y allais. Bah, et une des choses qui m'a intéressé le plus, c'est que c'est aussi la possibilité de faire des manifestations sauvages. Faut savoir que régulièrement la police et notamment les CRS, bref, bah, les gens qui travaillent, quoi, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent et on sait pourquoi ils travaillent, puisque c'est les agents, comme dirait Marx, du capital, donc voilà à quoi ils servent. Et c'est vrai que c'est assez drôle aussi de voir les interpellations de la maire Hidalgo qui explique que c'est anormal qu'on occupe ce lieu, que serait un lieu privatisé par des gens voilà, qui font chier, etc. Alors, je pense que ces Nuits Debout ou d'autres ont rappelé à la maire Hidalgo qu'il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui ont été privatisés à Paris pour faire des sorties soirées IP, très VIP, dans plein de lieux de Paris. Je pense que c'est important pour des grandes marques. Eh bien, on loue une partie du quai de la Seine et je pense que c'est important de voir que même le musée du Louvre est privatisé pour des défilés de mode, etc., etc. Donc là, et ça pose aucun problème que, encore une fois, les grandes banques pour se saouler la gueule, utiliser et consommer de la coke et avoir aussi des prostituées aux demeures, parce que c'est important de le savoir. Et c'est un petit clin d'œil à DSK. Et une grande partie des sénateurs et des députés et de monsieur Bolloré qui utilisent des travailleuses du sexe, et en même temps aujourd'hui eh bien, ils font une loi contre les travailleuses du sexe et pour pénaliser le client. Je trouve que c'est important de voir à quoi sert l'argent de ces gens-là, ces soirées-là, ces coke, putes, argent, drogue, c'est ça leur truc. Maintenant, de l'autre côté, quand des petits prolos et de la petite classe moyenne se retrouvent à Place de la République pour, en fin de compte, contester quelque chose qui est relativement contestable, nous le dirons, et où c'est quand même relativement bon enfant, il manque plus que... voilà. Eh bien là, c'est beaucoup de CRS, beaucoup de manipulation. Je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point le discours du Parti Socialiste, d'une grande partie de la gauche, est au même niveau que la droite réactionnaire du Figaro, parce que c'est ça les arguments, c'est les arguments du Figaro. Je trouve intéressant aussi de rappeler qu'en 86, le Figaro parlait du sida mental de ses manifestants. Eh bien aujourd'hui, nous avons Hidalgo qui parle dans ce même registre, et je trouve ça intéressant de rappeler ça. Oui, l'espace public nous appartient, il n'appartient pas à Bolloré. Et partout dans ce pays, le minimum, c'est qu'on puisse boire des verres et parler dans la rue. C'est normal, ça existe, on n'est pas encore sous une dictature. Et je trouve que c'est bien de le rappeler. Et ce qui leur fait chier, c'est que cette place n'avait pas été dessinée pour faire des AG. Ils avaient pensé qu'il y aurait des beaux skateurs, etc. Il se trouve que ce lieu-là est devenu autre chose que du skate et de la super consommation. Je vous rappelle aussi qu'on fait un petit clin d'œil à l'hôtel 5 étoiles qui est à la Place de la République. C'est vrai, ça dérange les milliardaires d'avoir des gueux qui crachent du plein de choses. Voilà, et ça, c'est bien de le rappeler. En tout cas, juste pour ça, vous pouvez faire un petit passage. C'est vrai que ça part dans tous les sens, et pourquoi pas. Et c'est bien aussi de rappeler et de re-rappeler qu'aujourd'hui, il y a 70 points en France, place qui est occupée. C'est vrai que ça fait tache d'huile, quoi. On aimerait bien que, bon, vous faites votre petite manif tranquille, pépère. Et puis voilà, on dit qu'il y a juste 10 000 personnes qui manifestent. Là, ils sont toujours là, ces braves imbéciles. Mais allez chercher du travail, quoi. Allez, allez, allez. Il n'y a que ça à faire. Et puis voter Parti Socialiste, c'est juste ça qu'il faut faire. Eh bien non, il y a des gueux mal polis qui disent « il faut appeler au retrait de cette loi ». Et je trouve que ça, ça me fait juste sourire. Et on voit bien que dans ça, voilà la politique du pouvoir concentrée avec le mépris social et avec, effectivement, la répression policière, parce qu'on continue d'arrêter les gens et parce qu'on trouve qu'effectivement le droit d'expression, qui est un droit, paraît-il, de la Constitution de cette fameuse Révolution française, eh bien, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Voilà, et je ne sais pas si tu as quelques points à dire, parce que là, je fais un... Voilà. Non, bah, écoute, Mouloud, je trouve qu'en politique, oui, tu as tout dit. Non, je n'aurais rien à rajouter spécifiquement. Alors, peut-être qu'avec Robinson, on va le laisser parler et nous parler de quelque chose qu'il avait prévu, qui était une lecture... Oui, Mouloud. Oui, c'était un peu pour faire écho à l'ambiance générale, notre société, et la mettre en perspective par rapport à l'histoire. C'est un petit texte que j'ai lu dans un fabuleux magazine que j'ai découvert. Tout est écrit en à peu près 200 caractères. C'est Direct Matin. Oui, Direct Matin. Et je vais vous le lire. Après, chacun se fait son propre avis. Mais ça serait intéressant de le mettre en perspective par rapport à aujourd'hui. Alors, le titre, c'est « Civilisation, les plus faibles sacrifiés ». Alors, le sacrifice humain était utilisé pour pérenniser un système inégalitaire déjà installé, constate James Watts, psychologue à l'université d'Auckland, dans une étude comparative sur 93 sociétés traditionnelles austronésiennes. Le chercheur a classé ces sociétés en fonction du degré d'égalité de leur structure sociale. Sans surprise, le sacrifice humain était bien plus répandu dans les communautés organisées en classes très rigides que dans les sociétés les plus égalitaires. Ces rituels étaient souvent pratiqués par les élites sociales, composées de chefs politiques ou de dignitaires religieux, et visaient les membres des classes inférieures comme les esclaves. Alors voilà, on peut mettre ça en perspective par rapport à aujourd'hui. Peu de choses ont changé. Là, on parle de sacrifice, mais aujourd'hui, dans les classes sociales les plus basses, on peut mettre ça en parallèle avec le nombre de suicides. On ne parle jamais du nombre de suicides, mais si je me souviens bien, j'avais vu 20 000, quelque chose comme ça, de suicides par an. On n'en parle jamais, mais ça peut être mis en relation avec les suicides qui se faisaient il y a quelques milliers d'années. Le tout pour conserver... les statuts et le confort de la classe sociale la plus élevée. Mouloud, si tu as envie de réagir. Moi, quand tu me parles de ça, c'est Jacques Calvet à l'époque, il était PDG de Peugeot Citroën. Il disait ça ne me pose aucun problème de parler de la lutte des classes. Maintenant, il faut savoir qui c'est qui doit diriger les ouvriers. Et je considère que c'est normal que j'ai un bon salaire. Parce que moi, je prends un maximum de risques. Warren Buffett, qui est un numéro 3 de grosse fortune mondiale, il dit, oui, il y a la lutte des classes, et ce qui est bien en ce moment, c'est que c'est les riches qui gagnent. Voilà, ça dit tout. Et effectivement, c'est quelque chose de nouveau d'avoir entendu le mot burn-out. Tu dis, c'est quoi cet anglais, cet anglicisme? Il y a une réalité, c'est que quand on s'aperçoit que dans plein d'entreprises, y compris, on avait vu à France Télécom, mais ce n'est pas que à France Télécom, des salariés se retrouvent à se suicider dans leur lieu de travail. Ça dit beaucoup de choses sur pas seulement la souffrance, mais ce que ça veut dire être viré, placardisé, comme mort sociale, comme mort tout court. Et je trouve que ça fait froid dans le dos. Et si on est arrivé à parler des pathologies et des maladies du travail au travers de la psychologie des salariés, c'est pour une seule raison, quand tu te retrouves où il y a déjà plus de syndicats, où il y a plus de perspectives de lutte, et que tu as ce face-à-face, il existe déjà sans la remise en question du code du travail, puisqu'il y a tous ces contrats bidons qui ont été explosés comme jamais ils ont été explosés, eh bien tu te retrouves avec ce face-à-face où ta chef de service ou ton directeur vient te dire « Oh, mon pauvre, en ce moment, ça ne va pas. Il va falloir changer parce que je ne sais pas comment je vais te garder. » Bien, ça s'appelle un licenciement. Tranquillement, elle te dit « J'ai la possibilité de te dégager. » C'est le truc de Sarkozy, l'arrangement à l'amiable qui a été organisé. Eh bien, c'est ça que le salarié il est en face. Et après, quand il sort de ce rendez-vous, il est en face de qui ? Personne ne veut être solidaire. Tu deviens comme un pestiféré. Et si tu as si envie de craquer, tu te retrouves dans les toilettes et tu pleures. Et tu as envie de tout tabasser. Eh bien, il y a des gens qui sont tellement cassés par une répétition, par des années de ça. Eh bien, il y a quoi d'autre ? Eh bien oui, ça a des conséquences. Ne plus pouvoir s'organiser, ne plus pouvoir se révolter, ne plus pouvoir dire non, ça a une conséquence humaine, physique dans ton corps et dans ton esprit. Et c'est ça la mort sociale. Voilà, alors on peut continuer, et ça s'appelle l'histoire de ce qui est en train d'arriver, et on peut continuer puisqu'on le voit, ce que ça veut dire la mort sociale par rapport à une jeunesse, hein, quelque chose qui s'appelle le chômage à vie pour des générations de gens. Donc on peut, oui, ça a des conséquences de santé publique, point. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais dire... Que, donc tu parlais des patrons justement qui gagnent énormément d'argent parfois au détriment et qui s'en foutent en fait, qui sont pas sur le terrain. Ben, il y a justement, c'était ce directeur de la Poste qui avait publié dans une revue Challenge, il avait publié son revenu donc en disant moi j'ai gagné 800 000 euros cette année, je pense que si je gagne 800 000 euros c'est parce que justement j'ai des responsabilités un peu plus élevées. Il avait dit j'ai 2 ou 3 millions quelque part, je sais pas où, mais alors que toi, donc on a un pote comme ça qui rigolait, qui bosse à la Poste et qui dit, toi tu te demandes pas si t'as 2 ou 3 millions, tu te demandes si t'as 15 ou 20 centimes dans la poche pour te payer un café, tu vois. Donc voilà, il y avait cette différence, tu vois, entre le patron et quand tu vois qu'à la Poste, ils triment comme des dingues et on supprime des emplois. Et aujourd'hui, justement, ces gens qui se retrouvent au chômage, ou même avant de se retrouver au chômage, quand ils n'en peuvent plus des cadences infernales, qu'est-ce qui se passe ? Bim, arrêt maladie. Seulement depuis le 1er janvier 2016, la Sécurité sociale exerce une très forte pression sur les médecins afin qu'ils distribuent moins d'arrêt maladie. Et je veux dire, on est dans un système, mais on va où, en fait ? On va vers la souffrance physique, vers la souffrance psychologique. D'ailleurs, je vais finir sur ça. La souffrance psychologique, on est encore le premier pays du monde ou d'Europe à délivrer le plus d'antidépresseurs. On est le pays le plus sous antidépresseurs. C'est quand même dingue dans un pays évolué comme la France. Je trouve que ça, c'est évidemment un reflet eh bien, des conséquences réelles. Et je trouve qu'il y a aussi un... Voilà, peut-être pour finir avec une note culturelle, c'est quand même ce film documentaire qui est Merci Patron. Je trouve ça intéressant d'aller le voir. Je pense que c'est bien de... Il a pointé du doigt et rappelé qu'une grande partie des médias bien, sont les propriétaires. Ce sont des gens comme Bernard Arnault et plein d'autres. Et là, en fin de compte, le film commence par voir... Ce qui devient ces ouvriers de la Samaritaine, on leur avait promis bons et merveilles, et ils sont évidemment au chômage. On voit le personnage Bernard Arnault qui a racheté toute une série d'entreprises en Belgique, et un an ou deux ans plus tard, eh bien, ces entreprises ont été tous délocalisées. C'est ça l'objectif. Et après, on voit effectivement, ils ciblent sur, au fait, ces gens qui ont été au chômage. Où est-ce qu'ils en sont ? Et là, au fur et à mesure, on va s'apercevoir, et je ne vais pas quand même m'étendre sur ça, parce que j'ai envie que les gens aillent voir ce film. En fin de compte, autour de ça, ils vont coincer la com de Bernard Arnault. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir un Bernard Arnault obligé de de payer un prolo de base pour, en fin de compte, qu'il ne soit pas en train de se suicider. On voit vraiment la caricature et il coince le plan média de Bernard Arnault et le service de sécurité. Ça dit de manière assez limpide et assez rapide et concrète ce que signifie le mépris social de ceux qui nous dirigent et de ce qu'ils en pensent de nous, de notre vie. Et quand on parle du rituel de sacrifice, le premier sacrifice, c'est quand on licencie des centaines de milliers de personnes comme des chiens au bout de 20 ans ou 30 ans d'usine. Et quand on parle de la violence des salariés d'Air France, je trouve que là, on tombe de haut. Cette petite chemise, j'imagine, qui coûtait 200 euros, cette chemise bien repassée par une femme de ménage sans papier, qui n'a aucun droit, parce que c'est ça qu'on est en train de parler. Et bien que des gens, quand on leur annonce « vous allez être virés comme des préservatifs », ils ont juste l'envie de hurler. Et c'est ça le point. Il y a une violence autorisée et une violence qui est illégitime. Ça, c'est une question de classe sociale. Bah justement, tu parles de la chemise arrachée, Air France, les licenciements. Ça me fait penser à la petite partie dans le reportage Cash Investigation, justement, où l'équipe de Cash, l'équipe de France 2, apprend à un homme qui aujourd'hui a un travail où il gagne presque 20 000, peut-être un peu moins de 25 000 euros par an, alors qu'avant, il gagnait deux ou trois fois le double. Il a été licencié par un patron avec d'autres personnes comme lui, d'autres salariés. Je ne me rappelle plus l'année, il n'y a pas longtemps, ils ont tous été licenciés. Et là, l'équipe de France 2 leur apprend. Alors, est-ce que vous savez que votre patron à qui vous allez licencier cette année, est-ce que vous savez que cette même année ou l'année suivante, il a envoyé plus de 6 millions, 60 millions, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exact, des millions sur un compte justement au Panama. Et là, le salarié, il tombe de haut, quoi. On a fermé l'usine parce que je ne sais pas pour quel prétexte ça ne fonctionnait plus. Et en fait, cet argent-là, en fait, on liquide les gens pendant que l'entrepreneur, qui au lieu de... Si, même s'il ne veut pas faire une redistribution de sa richesse, à la limite, mais que cet argent-là, il paye ses impôts avec. Non, il a fermé son usine pour ensuite mettre le fric dans des paradis fiscaux. Enfin, je veux dire, c'est juste dégueulasse. Quand le mec arrive sur les lieux, tu vois qu'il est déboussolé. On lui dit, voilà, écoute, nous, on a la réponse à ta question. On sait pourquoi ton usine... Parce que le gars est délégué syndical. On lui dit, mais toi, t'étais délégué, t'as voulu empêcher la fermeture de cette usine. On sait pourquoi cette usine a fermé. On le sait aujourd'hui. C'est que le patron a décidé de prendre l'argent et de l'envoyer dans les paradis fiscaux. Ouais. Et je trouve que ça dit profondément leur éthique. C'est des bandes de... Ceux qui nous dirigent, ces 200 familles, ce sont des bandes de dégénérés. Ils se... shootent avec leur Ferrari à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est ces gens-là qui nous envoient vers, je veux dire, le non-devenir humain et social. C'est-à-dire que si à l'époque, la bourgeoisie en 1789 avait une pseudo-philosophie, aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ce sont des bandes de dégénérés, cocaïnomanes, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de cacher leur argent. Voilà la seule philosophie. Ils se sont auto-shootés avec leur coke. Je trouve que ça intéressant de voir leur folie. Et je trouve que quand on traite avec des gens comme ça, qui sont ce niveau de maladie, il y a la première chose qu'on fait, arrête de travailler. Et arrêter de travailler, c'est donner le pouvoir aux ouvriers et aux salariés. Parce que c'est eux qui savent le réel de cette société-là. Voilà, eh bien, on va peut-être finir comme conclusion et lisez Karl Marx, Lénine et plein d'autres choses. C'est aussi intéressant et peut-être que aller à Nuit Debout parler de tout, de sexe, de révolution, de votre devenir social. Soyez fiers de vous parce qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir fier, mais quand on est ensemble, ça peut le faire. Et puis, à très bientôt sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et pour moi, au fond, près du radiateur. Et puis, à très, très, très bientôt. Et puis, continuez à réfléchir, parler, boire et vous organiser. Et pour justement conclure et en continuité avec l'émission, on va se mettre en ligne On va se mettre en ligne en live avec la radio qui débat, se passe, qui est organisée à Nuit Debout, à République en ce moment. On va se mettre en ligne avec eux, comme ça vous allez pouvoir écouter ce qui se passe. On peut préciser qu'ils sont écoutables donc sur quel site internet, Lucien? MixLR sur Radio Debout et sur MixLR. MixLR.fr. MixLR.fr. Allez, on se met en ligne avec eux tout de suite. C'est bon? Juste pour répondre à la question sur qui va à l'intercom, ce sont les référents des commissions qui se réunissent et en fait chacun peut aller voir les référents des commissions dans les différentes commissions qui sont sur la place. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Alors j'ai un peu la voix cassée. Ouais, je sais, ça va être très dur pour moi là. Enfin très dur. Non, je vais faire un effort. Alors moi je suis avec la commission grève générale et j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que aujourd'hui il y a des étudiants et des représentants de la Nuit Debout qui sont réunis à Saint-Lazare manifester leur sympathie et leur soutien aux cheminots dont le code du travail est en train d'être juste explosé, voilà. Donc ça c'est une première chose. On était nombreux, on aurait pu être plus. Voilà, demain ça s'arrête pas là. Demain à 11h, bougez pas.